Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89.1. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire à manger et de faire cuire des pâtes. Alors, si c'est le cas, êtes-vous sûr d'avoir choisi les bonnes pâtes? Car les formes des pâtes alimentaires ne sont pas dues au hasard. En fait, chaque forme a sa raison d'être. Certaines pâtes sont faites pour les soupes et les bouillons. Par exemple, les cheveux d'ange sont meilleurs lorsque la sauce qui les accompagne est délicate et peu épaisse. Alors que les spaghettis conviennent mieux pour des sauces plus costaudes. Il y a plus de 100 ans, des architectes en pâte ont fait appel à la science et même à l'alchimie pour concevoir des formes de nouilles en fonction des sauces qui les accompagnent. Alors tout ceci pour que le gastronome en fait puisse goûter la différence. Notre chroniqueuse Geneviève Gay est ici pour nous en parler, en fait, pour nous parler des différentes fonctions des pâtes alimentaires. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Bon, d'abord, on va commencer avec un peu d'histoire. Quand on pense à l'origine des pâtes, on pense tout de suite à l'Italie, même qu'elles sont l'emblème de la cuisine italienne. C'est tout naturel. Oui, voilà. Mais leur origine fait l'objet de controverses. On dit parfois que l'histoire des pâtes est aussi compliquée à démêler qu'un bol de spaghettis. Mais voyons de quoi il en retourne dans la réalité. La légende romantique dit que c'est Marco Polo qui fut le premier à avoir ramené des pâtes en Italie, et ce, après avoir séjourné en Chine. Mais une autre légende veut que ce soit un soldat génois, toujours en Italie, mais bon, qui en ramena au pays avant Marco Polo. Quoi qu'il en soit, plusieurs considèrent la Chine comme étant les créateurs des pâtes, mais d'autres disent que non, parce que les Chinois mangeraient des nouilles et non des pâtes. OK. En fait, les Chinois, finalement, vont être à l'origine de tout, finalement, dans cette histoire du monde. Mais finalement, est-ce qu'il y a une différence entre nouilles et pâtes? Ben, apparemment, les nouilles que les anciens Chinois mangeaient étaient préparées à partir de l'arbre à pain. Je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est vraiment un arbre qui produit un gros fruit à peu près à la grosseur d'un petit ballon. Puis c'est quand même, quand on le fait cuire, ça fait un genre de texture un peu de pomme de terre en purée, assez amidonnée, très élastique. Bon, mais les pâtes ou nouilles qui en résultaient, c'est un produit qui est finalement très amidonné, alors que les pâtes, elles, seraient fabriquées uniquement avec du blé ou de la semoule, du roux, du blé, du roux. Une bonne différence. Oui. Bon. Ça, c'est pour la raison pourquoi on dit que les Chinois ne seraient pas à l'origine des pâtes. Donc, les nouilles, finalement, contiendraient plus de sucre et les pâtes, plus un peu de protéines, peut-être aussi? C'est une question de texture du produit fini. Ouais, bon, je vais quand même en reparler un petit peu plus loin. Là. Donc, une autre théorie, on continue avec l'histoire, là. Une autre théorie sur l'origine des pâtes date de l'époque des Étrusques. Eux, ils vivaient dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Italie, à peu près 900 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans avant Jésus-Christ à peu près. Bon, on aurait trouvé des gravures murales qui représentaient un couteau, une planche, de la farine, un genre de broche en métal. Là, bon, les archéologues auraient interprété ces gravures comme représentant la fabrication de pâtes en forme de tube. Uh-huh. Mais nombreux sont ceux qui prétendent que cette interprétation n'est que conjecture, parce que rien en fait ne lie les différents usages les différentes images à un seul usage. Uh-huh. Donc, par contre, il existe une preuve écrite que des pâtes ont été cuites par ébullition dans des écrits araméens. OK, puis ça, c'est documenté. Là, oui, c'est ça. Voilà. Ces aliments secs étaient transportés par les Arabes lors de la conquête de la Sicile. On se ramène là au Moyen Âge. Là. Aujourd'hui encore, bon, certains plats de pâtes que l'on mange en Sicile contiennent des raisins et certaines épices utilisées par les Arabes, ce qui indique peut-être que ce sont les Arabes qui auraient introduit les pâtes et leurs recettes en Italie. Donc, quoi qu'il en soit, les pâtes sèches devinrent rapidement populaires autour de cette période un petit peu plus autour du 14e et 15e siècle, parce qu'elles étaient facilement entreposables et transportables lors des longs voyages. Donc, très pratique. Voilà. Au 16e siècle, bon, les Espagnols ramenèrent la tomate de l'Amérique. Vous pouvez deviner qu'entre les pâtes et la tomate, ce fut le coup de foudre. Surtout s'il y a un petit peu de basilic en plus. c'est sûrement venu naturellement. Oui. La façon de manger les pâtes à ce moment-là a été changée à tout jamais, parce qu'il faut préciser qu'avant la tomate, les pâtes étaient mangées sans sauce, avec les doigts. OK. Est-ce qu'on met un peu d'huile? Parce que les Italiens font encore ça un petit peu, des fois. Mais ils rajoutaient du fromage, par contre. Bon, okay. Donc, il n'y a peut-être pas une grande différence. Ça se peut, mais sauf qu'ils consommaient vraiment les pâtes avec les doigts. Donc, l'huile, je ne suis pas sûre, C'est peut-être arrivé plus tard. C'est ça. Mais quoi qu'il en soit, l'ajout d'une sauce à base de tomates a incité les gens à manger leurs pâtes avec des ustensiles à partir de ce moment-là. Comme je le disais, bon, le fromage était quand même un des condiments de prédilection prédilection avec la tomate. Donc, les trois ensemble, ça fait vraiment un beau trio. On le mélangeait à des épices, puis on enrobait les pâtes de ce mélange-là avant de rajouter la tomate. Puis c'est probablement une des recettes de base les plus simples à utiliser, même encore de nos jours. Oui, puis même si le tomate et le fromage accompagnent à merveille certaines pâtes, ils sont loin d'être les seuls ingrédients qu'on utilise pour créer des plats délicieux. Et certaines sauces, en fait, conviennent mieux à certaines formes de pâtes. En fait, en général, les sauces légères conviennent bien aux pâtes fines, mais les sauces lourdes conviennent bien aux pâtes plus massives. Oui, tout à fait, mais c'est plus que ça, parce qu'il existe quelques centaines de formes de pâtes. Les estimés varient là, entre 300 et 600 formes de pâtes qui existent. Et chaque forme a sa texture qui lui est propre, de même qu'une genre de stratégie pour relever les saveurs de la sauce qui les accompagne. 300, 600, c'est vraiment un nombre incroyable. C'est incroyable, hein? Mais c'est à l'infini, dans le fond. On s'amuse, là. Puis pour la petite histoire, dans le fond, ce qui est arrivé vraiment, c'est qu'on pense, c'est que les Italiens, quand la pâte a été introduite en Italie, les villages se sont opposés, mais ont décidé de personnaliser. Oui, puis chaque village, chaque région avait sa pâte. Et pour aller avec sa pâte, accompagnée d'une sauce en particulier. Donc, si on fait moindrement un peu de recherche, on va la trouver, cette histoire-là, cette petite histoire liée. Puis je vais vous en raconter quelques-unes. C'est vraiment amusant. Okay. Mais j'imagine que les ingrédients utilisés pour faire des pâtes varient beaucoup quand même. Bien, en fait, selon la loi italienne, c'est une vraie loi, qui date de 1933, et même la loi française qui date de 1934, bien, les pâtes sèches ne peuvent être fabriquées qu'à partir du blé durum ou de semoule de blé durum, alors que les pâtes fraîches, elles, peuvent incorporer des œufs. Mais étant donné que les pâtes sont aujourd'hui consommées et produites partout dans le monde, on a diversifié les ingrédients qui les composent. Bon, parmi les farines, on utilise notamment la farine de blé mou, l'épeautre, le sarrasin, etc. Mais la pâte qui en résulte est plus molle et ne peut pas être cuite al dente comme l'exige la tradition. Puis les pâtes aux œufs, quant à elles, ben, contiennent au moins 14 % d'œufs entiers dans leur composition. Alors, ça veut dire que cette différence entre les pâtes et les nouilles que tu mentionnais plus tôt, en fait, est vraiment fondée. Oui. Et non. Cette différence est un argument en défaveur de la théorie voulant que les Chinois soient ceux qui introduisent les pâtes en Italie. Mais si on s'arrête exclusivement à la stricte définition donnée par les Italiens de ce qu'ils appellent des pâtes, alors tout ce qui n'est pas fait avec de la farine ou de la semoule, le blé durum, ne mérite pas l'appellation pâte. C'est quasiment une appellation contrôlée. Là. Pratiquement, mais ça me surprend que ça n'avait pas déjà été fait. C'est vrai. Pour le reste, ben pour tout le reste, alors on parle de nouilles, puis on a juste à penser, les nouilles qui utilisent la farine de blé mou, de riz, etc., mettons, aux États-Unis, on parle souvent de noodles quand on parle de l'aliment en soi. Puis les États-Unis, eux autres, ils ne s'embourrent pas dans spécifiquement tel type de farine. Ils utilisent beaucoup de façon élargie là, toutes sortes d'ingrédients. Puis on va parler de pasta à ce moment-là quand on parle du mets qui est préparé. Donc, il y a de la confusion au menu. Là. Mais finalement, que l'on parle de nouilles ou de pâtes, en fait, les formes varient beaucoup et les façons de les apprêter aussi. Oui, absolument. Puis le site Geometry of Pasta, qui est .co.uk, là, qui vient de l'Angleterre, est en fait un extrait du livre du même nom. Décrit et présente la petite histoire de plusieurs formes de pâtes, en plus de proposer les sauces pour les accompagner. C'est vraiment amusant et instructif d'aller sur ce site-là. Il y a des animations. Tout, là. C'est mignon comme tout. Donc, c'est ainsi que j'ai appris que le fusilli est une pâte de blé dur de conception industrielle qui a l'air d'une hélice allongée. Un peu comme une vis sans fin. Oui, vous connaissez l'espèce de petit tortillon. Son design, c'est vraiment été conçu pour ça. Est idéal pour la tenue des sauces. Okay. On imagine très bien les sauces qui rentrent dans les hélices. À cause de sa forme? Oui, voilà. Ça a été conçu pour ça. Puis en plus, c'est agréable à l'œil. Puis quand on prend le temps vraiment de la goûter, ça offre une incomparable sensation en bouche. Donc, le site propose d'accompagner le fusilli d'une sauce nommée l'antici, qui est à base de lentilles, d'ail, de feuilles de laurier et d'huile d'olive. Donc, moi, je trouve ça quand même assez inspirant d'imaginer les petites délices, les petits morceaux de lentilles qui respirent, puis tout ça. Quand même intéressant. Oui, c'est un fait, mais ça donne envie d'en savoir plus. Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui. On va penser à la farfalle, tu sais, la petite pâte en forme de papillon ou de nœud de cravate. Là. Bon, c'est en fait un carré de pâte qui a été pincé en son centre, et il y avait une raison pour ça. C'est justement pour qu'elle puisse garder son al dente à la cuisson. OK. C'est ça. Mais le al dente, en fait, c'est une pâte non cuite pourrait être utilisée al dente. Là. Non, il faut quand même qu'il y ait un petit mou puis un petit croquant. OK. Il faut qu'il y ait juste parfait équilibre entre les deux, le petit mou et le petit croquant. OK, mais comme tu dis, un équilibre, là. Oui, voilà, c'est ça. OK. Donc, la farfalle, c'est une pâte d'été que l'on mange autant froide que chaude, mais surtout froide dans les salades, puis qu'on habille de petites sauces légères aux légumes finement hachés, là, plein de couleurs. Là. On imagine quelque chose de léger, de joyeux, de très estival. Donc, c'est une pâte qu'on savoure sur le patio lorsque les papillons agrémentent le jardin. Oui. Est-ce que tu as un autre exemple aussi? Ben oui. Ça la bombe. On en aurait 600 comme ça des histoires. Donc, le penné, vous savez, c'est la pâte tubulaire, oui. Là, un petit peu à peu près 2-3 pouces de long, 5-6 cm de long, qui ressemble à un cylindre creux, oui. Dont les extrémités sont oui. coupées en biais. Bon. Oui, c'est fait. Et c'est pas pour rien que les extrémités sont ainsi. En fait, l'ouverture ainsi créée est plus grande et les pâtes peuvent se remplir plus facilement de sauce. Et l'une des sauces qui s'agence parfaitement avec cette pâte est la puttanesca, ou si vous préférez, la sauce de la prostituée. Puttana, qui veut dire prostituée en italien. Voilà. En fait, c'est une sauce qui est colorée, qui est goûteuse, à base de tomates, d'huile d'olive, d'anchois, d'ail et de capre. Et c'est une sauce qui s'étend facilement. Et que les pâtes avalent sans problème. Tout plein d'histoires. Elle ne répond vraiment son nom. Donc, on y va pour un autre exemple. Oui, effectivement. Oui. Donc, le bucatini, OK? Cette pâte allongée a un trou dans le milieu, un peu comme un macaroni long. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais ce trou a une fonction. Lorsqu'on cuit la pâte, l'eau pénètre à l'intérieur et réduit le temps de cuisson. Parce que s'il n'y avait pas de trou, le diamètre de la pâte ne permettrait pas une cuisson uniforme. La pâte serait trop cuite de l'extérieur, alors qu'elle serait encore trop dure. Le al dente serait pas atteint. Ce serait impossible d'atteindre le al dente comme ça. Donc, ça serait pas mangeable ou ça serait pas optimal comme cuisson. Donc, la sauce qui accompagne le mieux cette pâte est la carbonara, qui est riche et onctueuse. Puis d'ailleurs, pour l'histoire, ce plat riche et nourrissant aurait été donné aux travailleurs des mines de charbon, d'où le nom carbonara, qui signifie charbon en italien. Donc, si je comprends bien, on ne met pas n'importe quelle sauce avec n'importe quelle pâte. Bien, on peut, mais on n'optimisera pas notre expérience. C'est ça, effectivement. C'est ça. Donc, de nombreux chefs, professionnels ou amateurs, se sont amusés et s'amusent encore là, à tester les formes de pâte puis à trouver la meilleure sauce plus apprêtée. Mais la plupart du temps, comme je le dis, une pâte a été conçue en fonction d'une sauce particulière. Et c'est en cherchant d'où vient cette pâte, quelle est son origine et son histoire, qu'on va trouver son accompagnant naturel. En Italie, comme je le disais, chaque région a sa ou ses pâtes, ainsi que les histoires qui vont avec. Mais à défaut de connaître l'histoire de chaque pâte, il s'agit en fait de se montrer créatif, d'expérimenter. Ça ne peut être que savoureux. Oui, alors finalement, chacun peut peut-être inventer sa pâte. Sa propre et sa sauce. Et aussi sa sauce. Voilà. Hein. Et ça incite aussi à explorer de nouvelles façons de cuisiner puis de manger les pâtes. Alors peut-être que certains de nos auditeurs vont réviser leur menu de ce soir. Alors, merci beaucoup Geneviève. Ça fait plaisir. On va maintenant faire une petite pause musicale. Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1.